d'hôpital. Attaché, ligoté, censuré. Dort paisiblement les yeux entrouverts dans un coma semi-cérébral. Abandonné seul dans cette chambre, il rêve, il ne peut que rêver. Lui dont la raison a soudain basculé, lui que l'on a voulu empêcher, mais empêcher de quoi? De crier, de hurler devant cette impuissance ou de dire les mots qui dérangent. Dans sa tête, mille flashs en couleur s'envolent dans le parfum de ses souvenirs, mélangeant leurs odeurs et leurs rires à des relents fiévreux, médicamenteux. Mais il se dit, c'est merveilleux, c'est fabuleux, sur cette balançoire qui jadis amusait les enfants, je peux m'élancer de tout mon être, défiant, une fois le ciel, une fois la terre, son Dieu ni maître, et dans cette lumière au loin où le soleil domine, j'irai cueillir la plus belle fleur, et je te l'offrirai, oui, je te l'offrirai. Se fout, cassé, brisé, humilié sur ce lit, ce peut être